Chapitre 11e. Madame Prêt-à-Boine, dont le regard était à tout et à tous en même temps, avait aperçu et reconnu la livrée du comte de la Roche-Chaudon avant que la calèche fût arrêtée. Faisant signe à Aurélien de la suivre, elle se précipita hors de la tente et courut jusqu'à la grille. Elle arriva juste au moment où le comte posait le pied sur le pavé de la cour. Longtemps à l'avance, elle avait étudié avec soin la question de savoir comment elle recevrait un personnage tel que le comte de la Roche-Chaudon. Et après avoir pesé le pour et le contre, elle s'était arrêtée à une révérence, ce qui était beaucoup plus respectueux qu'un simple salut. Pendant plusieurs semaines, elle avait tous les jours travaillé cette révérence devant une glace, car on ne lui avait jamais enseigné l'art de la révérence, et c'était chose grave de l'apprendre toute seule et à son âge. Par bonheur, l'habitude des génuflexions avait donné à ses genoux une certaine élasticité qui lui fut d'un grand secours. Mais faire une révérence devant une glace, porte close, en prenant le temps et l'espace qu'on veut, n'est point du tout même chose que de la faire dans une cour, en public et devant une personne. Elle ne put non pas donner à celle qu'elle adressa au comte la grâce, la légèreté, le moelleux qu'elle avait espéré. Heureusement, elle avait aussi bien préparé sa phrase de bienvenue et elle put la débiter sans en chercher les mots. « Monsieur le comte, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir, vous et mademoiselle, dans notre maison. » Sur ce mot « nous », Aurélien s'inclina tout bas devant le comte et devant Bérengère. « C'était pour nous un devoir d'assister à cette réunion, » dit le comte. Madame Prêt-à-Boine, qui savait conserver son sang-froid en toutes circonstances, se trouva jusqu'à un certain point décontenancée par cette réponse qui marquait bien nettement la situation. « Je viens assister au tirage de cette loterie, » disait le comte, « je ne viens pas chez vous. » Elle le fut plus encore lorsqu'elle vit le comte tendre le bras à sa petite fille. Elle avait compté en effet que ce serait Aurélien qui offrirait son bras à mademoiselle de la Roche-Chaudon et qui l'introduirait sous la tente. Et, partant de cette idée, elle avait réglé le cérémonial de l'introduction du comte et de mademoiselle de la Roche-Chaudon en conséquence. Tout d'abord, Aurélien donnant le bras à Bérengère, puis ensuite elle-même auprès du comte et l'entretenant. Cette entrée dans la tente sous les yeux de tout Condé, c'était pour elle la glorieuse récompense de 30 années de lutte et d'efforts. Elle faisait donc partie de ce monde, que de son humble position elle avait si longtemps contemplé, l'envie au cœur, sur des sommets qu'elle n'avait espéré atteindre qu'en ces dernières années seulement. L'action du comte renversa subitement cette combinaison si amoureusement caressée, et durant une seconde, Madame Prêt-à-Boine resta moralement aussi gauche que l'avait été Aurélien, arrondissant son bras et ne trouvant pas la main vers laquelle il l'avait avancé. Mais elle n'était pas femme à perdre la tête ni à s'abandonner. Elle se remit bien vite et, marchant à la droite du comte, elle lui parla avec un doux sourire du lot qu'il avait bien voulu offrir à la loterie, lequel lot, par sa beauté aussi bien que par sa richesse, provoquait l'admiration générale. Et ceux qui, dans l'assemblée, pouvaient voir les sourires de Madame Prêt-à-Boine devaient croire qu'elle était engagée avec le comte dans une conversation toute d'intimité. Des chaises toutes semblables avaient été préparées dans la tente pour les invités. Deux fauteuils seuls avaient été disposés à la plus belle place, sur une sorte d'estrade. L'un était pour l'évêque, l'autre était pour le comte, le roi et l'église. Ce fut vers ce fauteuil que Madame Prêt-à-Boine voulut conduire Monsieur de la Roche-Chaudon. Mais celui-ci se défendit d'un tel honneur et de telle sorte qu'elle ne put pas insister davantage sous peine d'indiscrétion manifeste. Elle dut donc retourner à l'entrée, pleine de dépit au fond du cœur, mais le sourire aux lèvres, pour recevoir les invités qui continuaient d'arriver. Cependant, avant de s'éloigner, elle voulut au moins qu'Aurélien la remplaçât. N'ayant pas pu le présenter dans les formes, lorsque le comte lui avait, pour ainsi dire, formé la bouche, le moment était venu de le faire. « Permettez-moi de vous laisser mon fils, » dit-elle en appelant ainsi Aurélien en premier rang. Il est revenu exprès de Louvain, où il achève ses études à l'université pour me seconder dans cette cérémonie, qui est une lourde tâche pour une femme telle que moi. Il fallait bien que le comte répondît quelque chose. « Ah, vous arrivez de Louvain, » dit-il, « et comment se porte Monseigneur Cartuvels ?»« Mais très bien, monsieur le comte. » Malheureusement, Aurélien eut la parole coupée. L'entrée du comte de la Roche-Chaudon avait produit sensation, et plusieurs personnes avaient quitté les places qu'elles occupaient déjà pour venir au-devant de lui. Le plus empressé avait été le président bonhomme de la Fardouillère, qui, oubliant la majesté de sa tenue, s'était précipité sur le comte, suivi de Madame de la Fardouillère et de Dieudonné, qui avait enveloppé Bérengère. Ça avait été une véritable prise d'assaut et si impétueuse qu'Aurélien avait été repoussé. Le président avait saisi les mains du comte et il les serrait longuement, sans vouloir les lui lâcher. Pendant ce temps, Madame de la Fardouillère s'était emparée de Bérengère, l'accablant de témoignages d'affection et surtout de compliments, que Dieudonné approuvait par un petit rire continu, qui fait tomber le lorgnon enfourché sur son nez, si à chaque instant il ne l'avait pas assuré du bout du doigt. « Êtes-vous charmante, mon petit ange ?» disait Madame de la Fardouillère. « Positivement, vous avez reçu le don de la beauté en même temps que le génie de la toilette, c'est-à-dire, pour mieux m'exprimer, de la convenance de la toilette. Je le disais encore hier à mon fils, car nous parlons souvent de vous. Je lui disais, je suis certaine que de toutes les femmes de Condé, celle qui portera la toilette la mieux appropriée à la circonstance sera Mademoiselle de la Roche-Chaudon. Est-ce vrai ? » Il se tourna vers Dieudonné pour le prendre à témoin. « Positivement vrai, » répondit Dieudonné, accentuant son rire. Il était manifeste que le président, ainsi que sa femme et son fils, voulaient accaparer le comte et Bérengère, mais ils ne purent pas déployer autant de force dans la défense qu'ils en avaient mis dans l'assaut, et ils furent à leur tour débordés et enveloppés. Les gens de peu, le président les avait maintenus à distance en les foudroyant, à 15 pas, par un regard plein de morgue. Mais bientôt s'étaient avancés en sens contraire deux adversaires redoutables contre lesquels ils s'étaient trouvés réduits à l'impuissance. L'un était l'évêque, l'autre le marquis de la ville Perdrix. Monseigneur Hyacinthe, ayant abandonné le trône où Madame Prêt-à-Boine l'avait conduit, avait fait le tour de l'assistance, disant une parole gracieuse à chacun, et il est arrivé au comte. Ce n'est pas avec un regard insolent qu'on arrête un évêque. Quant au marquis de la ville Perdrix, il n'y avait rien à tenter non plus contre lui. Le marquis avait servi dans l'armée papale sous les ordres du comte, ils avaient combattu ensemble, ils étaient pères par la naissance, ils étaient presque voisins, ils se voyaient souvent. Il fallait donc renoncer pour le moment à une résistance impossible et souffrir que ce grand dadais de marquis, qui, malgré ses 35 ans et le délabrement de sa fortune, avait la prétention d'épouser Bérengère, vint empêcher Dieudonné de profiter des avantages que lui assurait la manœuvre par laquelle le comte avait été isolé. Bientôt, quand on prendrait place sur les chaises, on pourrait tenter une autre manœuvre. Le président s'assiérait à la droite du comte, la présidente à la gauche de Bérengère, et Dieudonné immédiatement derrière celle-ci. Par ce moyen, l'approche de toute importance serait empêchée et Dieudonné n'aurait qu'à avoir de l'esprit pour plaire, ce qui devait lui être facile. La stratégie du président et la venue de l'évêque, suivie presque immédiatement de celle du marquis de la ville Perdrix, avait tout naturellement relégué Aurélien à l'écart, et il ne lui était bientôt resté rien autre chose à faire que de regarder celle qui devait être sa femme. Il se trouvait perdu dans la foule, et il n'avait pas à craindre d'être surpris dans son examen. Si l'on ne pouvait pas dire, comme Madame de la Fardouillère, qu'elle avait reçu le nom de la beauté, il était vrai cependant et rigoureusement vrai qu'elle était charmante. C'était une grande enfant de 15 à 16 ans, moitié jeune fille, moitié jeune garçon, ayant les yeux d'une vierge et les allures d'un diablotin. Ce qui tout d'abord attirait l'attention en elle, c'était d'admirables cheveux qui foisonnaient en une forêt blonde, non de ce blond pâle ou fade, de la femme des races épuisées, qui n'ont plus de sang dans les veines, mais de cette couleur fauve et rutilante, aussi vigoureuse dans sa douceur que le noir d'ébène peut l'être dans sa dureté. Il est vrai qu'elle n'était blonde que de cheveux et de carnation, car ses lèvres charnues étaient plutôt rouges que roses, et sous de doux sourcils soyeux brillaient de grands yeux à la prunelle brune, qui donnaient à sa physionomie quelque chose de bizarre et de saisissant, qu'accentuait encore un petit nez fin, retroussé, fait pour se moquer de tout et de tous. Avec cela, un cou un peu long, mais flexible et onduleux, comme celui d'un oiseau, des épaules tombantes, un corsage chaste, une taille longue, ronde et mince, descendant sur des hanches à peine indiquées. Car là, comme dans de grandes jambes, souples et découplées, on ne trouvait que le jeune garçon. Mais ses jambes, toujours prêtes à courir, n'empêchaient point que lorsqu'elle voulait bien penser à ses 16 ans, elle eut une démarche pleine de distinction et de noblesse, avec un port de tête charmant d'aisance et de grâce. Cette gracieuse aisance était même ce qui la caractérisait, et l'impression qu'on emportait d'elle ceux qui la voyaient passer sans l'approcher de près, pour ceux qui la connaissaient mieux et avaient pu vivre près d'elle, ils y joignaient dans leurs souvenirs un air simple et naturel sur lequel perçait l'esprit et l'enjouement. Bien qu'il y ait terriblement loin d'une enfant de 16 ans à un vieillard de 75, il était impossible de voir Bérengère à côté du comte de La Rochaudon sans deviner tout de suite leur parenté. Sous les cheveux blancs du grand-père, sous les rides de son beau et noble visage, sous sa grande taille, voûtée par le chagrin autant que par les années, dans sa démarche appesantie, dans sa physionomie attristée, on retrouvait, avec un peu d'attention, tout ce que sa petite fille avait reçu de lui. Mais ce n'était point seulement par l'extérieur qu'elle lui ressemblait. C'était encore par certains points de caractère et même par certaines habitudes d'esprit. Au reste, ça avait été un grand bonheur pour le comte que cette ressemblance, car lorsqu'il avait réclamé sa petite fille devant les tribunaux, il l'avait fait plutôt par devoir et par respect envers son nom que par tout autre motif. Ayant rompu toute relation avec son fils, officier de cour de Napoléon III et mari de la princesse Sobolevska, il ne connaissait point sa petite fille qu'il n'avait jamais vue. Quelle était-elle? Fille de son fils, ou bien simplement la fille de celle à laquelle son fils avait fait la folie de donner son nom? Tout était possible avec une femme telle que celle que la loi appelait sa belle-fille et qui pour lui n'était et ne serait jamais rien. Ce tout effrayant, le comte, malgré sa charité, sa parfaite piété, l'avait admis jusqu'à ses dernières limites. Qui pouvait savoir si c'était vraiment sa petite fille qu'il demandait aux tribunaux de remettre entre ses mains? N'allait-il pas admettre auprès de lui, élever, aimer peut-être, une enfant qui n'avait pas une goutte du sang des La Rochaudon dans les veines? La vue de Bérengère avait dissipé ses doutes, horribles autant pour sa fierté que pour son cœur. Elle était bien, en tout et pour tout, une La Rochaudon. Sa filiation sautait aux yeux des moins clairvoyants. De sa mère, elle n'avait reçu que ses magnifiques cheveux blonds, qui, contrastant si bizarrement avec ses yeux bruns, la faisaient la fille de deux races. Mais, dans cet accouplement, c'était heureusement pour le comte, la Française qui l'avait emportée. S'il y avait en elle de nature, il n'y avait par bonheur qu'un caractère, et il était français, mieux que français, celui-même des La Rochaudon. Cependant, la tente s'était assez rapidement remplie, et tous les invités, au moins ceux qui comptaient, étaient arrivés. Le moment était venu d'ouvrir la séance, et depuis quelques instants déjà, l'abbé Guillemite, qui devait prononcer le discours, avait été s'asseoir auprès de Monseigneur Hyacinthe, devant une petite table, chaire ou tribune. Alors, il s'était fait un grand mouvement dans l'assemblée, et chacun s'était empressé d'occuper sa place. C'était l'instant décisif pour le président d'envelopper le comte et Bérengère. Mais, si bien combiné qu'eût été son mouvement, il n'avait pas réussi. Le comte avait prié le marquis de s'asseoir à la gauche de sa petite fille, et prenant lui-même la première chaise d'une travée, il s'était trouvé, tout naturellement, débarrassé d'un voisin fâcheux. Ce n'était point un orateur que l'abbé Guillemite, car, absorbé par ses affaires et ses travaux, il n'avait jamais trouvé le temps de se livrer à la prédication. Mais il savait parler, sinon avec éloquence et entraînement, au moins avec habileté, disant bien, adroitement et finement, ce qu'il était utile et opportun de dire. Avec lui, pas de sermon, pas d'homélie, pas de discours, mais des allocutions substantielles, quoique rapides. Aussi, grande fut la surprise de ceux qui le connaissaient, et c'était l'assemblée entière, lorsqu'on l'entendit commencer un véritable discours, coupé et ordonné selon les règles de la rhétorique. Mais le fond de ce discours ne causa pas moins d'étonnement que sa forme. Jusqu'à ce jour, il s'était fait beaucoup plus remarquer par l'habileté que par la franchise de sa conduite politique. C'était un de ces prêtres qui rasent les murs et ont grand soin de ne s'engager dans une voie qu'après s'être ménagé des sentiers dérobés pour en sortir par l'un ou l'autre côté, selon leur intérêt, ne faisant quatre pas à droite que pour en faire aussitôt quatre à gauche. Prodigue de gages cependant, mais avec discrétion, les offrant à tous, ce qu'il donnait à celui-ci, il le donnait le lendemain à celui-là. Il faisait ce partage avec une telle mesure que chacun avait une part égale. Avec qui était-il? À qui était-il? À tous, à celui pour telle raison, à celui-là pour telle autre. En réalité, à personne, si ce n'est à lui-même et à lui seul. Il avait voulu réserver l'avenir, et par un miracle d'équilibre, qui le faisait grand honneur auprès de ceux qui avaient suivi sa marche, il avait réussi, bien avec les gouvernements de qui il avait beaucoup obtenu, également bien avec Rome, à qui il avait beaucoup donné. mais le moment était venu sans doute où ces ménagements de conduite n'étaient plus nécessaires, où il avait intérêt à se prononcer d'une façon éclatante. Ce fut ce qu'il fit. Le sujet de son discours fut celui-ci. Il y a quelques années, on pouvait être catholique pour soi, mais aujourd'hui que les ennemis de la religion sont unis, il faut que les catholiques s'unissent aussi et établissent une étroite solidarité entre eux pour propager et défendre leur foi. S'il y a eu entre eux union de foi, il doit maintenant y avoir union d'action, et notre siècle, qui s'appellera dans l'histoire le siècle de Pie IX, verra le triomphe de l'Église s'accomplir par l'union de tous les catholiques. La péroraison sur le siècle de Pie IX s'acheva au milieu des applaudissements enthousiastes de l'Assemblée, qui décida qu'un télégramme devait être immédiatement envoyé à Sa Sainteté le Pape. Il fallut un certain temps pour que l'émotion soulevée par ce discours se calmât, et il en fallut plus encore pour que tous ceux qui avaient été félicités l'orateur eussent regagné leur place. À la fin, cependant, on put commencer le tirage de la loterie. Mais c'était là une opération assez peu récréative à contempler. Et lorsque les premiers numéros eurent été extraits de la roue, c'est-à-dire ceux qui gagnaient les lots les plus importants, il se produisit un mouvement de lassitude. Est-ce qu'on allait rester ainsi à regarder ce gamin tourner ce cylindre et cet autre tirer des numéros? Ce fut ce que demanda Dieudonné à mi-voix, et lui-même la grossièreté d'ajouter un mot qui faillit suffoquer son noble père. « Mais c'est crevant, cette machine-là » dit-il en bâillant. Puis, quittant sa place, il s'approcha de Bérengère. « Est-ce que vous ne sentez pas votre cœur tourner, mademoiselle ?» lui dit-il. « Pour moi, ça me donne le mal de mer. Voulez-vous me permettre d'aller vous chercher un rafraîchissement ou un réconfortant ?» Mais Bérengère n'accepta ni l'un ni l'autre. Peu à peu, quelques personnes suivirent l'exemple de Dieudonné, on se leva. Puis, insensiblement, on abandonna la tente pour passer dans les salons et dans le jardin, car il faut le dire, on ne pensait pas partir avant la collation. Il y avait même des invités qui arrivaient pour ce moment. Ils avaient calculé à peu près l'heure à laquelle on devait la servir, et ils ne s'étaient point hâtés. Désolés, vraiment désolés d'être en retard, mais ils avaient été retenus malgré eux. Parmi ceux qui arrivaient ainsi au moment où le vide se faisait dans l'attente de la loterie, se trouvèrent deux retardataires dont l'entrée produisit une certaine sensation. L'un était le sous-préfet, l'autre était le capitaine Richard de Gardilane, tous deux en toilette de ville. Madame Prêt-à-Boine, en les apercevant, alla au-devant d'eux, se demandant ce que le capitaine venait faire chez elle. « Je suis tellement fâché d'être en retard, dit le sous-préfet, que je n'ai pas osé venir seul, et je vous amenais mon ami, monsieur de Gardilane. Monsieur de Gardilane nous fait un honneur dont je vous suis profondément reconnaissante, monsieur le sous-préfet. On les avait entourés. « Mon cher sous-préfet, a dit le président, je vous plains de n'avoir pas entendu l'admirable discours que vient de prononcer monsieur l'abbé Guillemite. Croyez-vous que je devais l'entendre ? Demanda le sous-préfet en souriant. « Comment donc ? Répliqua le président, qui ne comprenait pas qu'on ne prit pas tout par le côté sérieux. « Puisque je ne l'ai pas entendu, continua le sous-préfet, je vais pouvoir aller le féliciter en toute sincérité. » Et plantant là le capitaine, il se dirigea vers l'abbé Guillemite, qui n'avait pas encore fini de répondre aux compliments dont on l'accablait. Pendant quelques instants, le capitaine resta seul, regardant autour de lui, puis, ayant aperçu le comte de la Rochaudon et Bérengère, toujours assis à la même place, il marcha vers eux. À son approche, le comte se leva et lui tendant les deux mains. « Ah, mon cher capitaine, que je suis aise de vous voir. Ma fille me demandait tout à l'heure si vous ne viendriez pas, et je ne savais que lui répondre. » Le capitaine salua Bérengère, qui rougissait de l'indiscrétion de son grand-père. « Allons, asseyez-vous là, dit le comte, ou plutôt faisons un tour dans le salon. Je vous montrerai les lots de notre loterie. Offrez votre bras à ma fille. »